je connais des gens dans mon voisinage qui sont pris pieds il y a déjà longtemps. Mais je biométier ne donne point gramme d'ouvrage. On les vaut bien, ils pourmènent tout le temps. On vint du mortuaire, ou bien à cheul du monde est piété. J'ai tout dit pour boire de bière, et tout dit gramme gagné. Chacun pense à sa manière, mais je suis la dette tueux. Je vais me mettre fripier, j'espère que je serai bien plus heureux. Mis comme gramin, j'ai été l'un de misère. J'ai dû porter tous mes biels, ni pain plan. Tout le monde sait bien qu'acheteur tout est troqué. Pour les ravoir, il n'y a jamais eu plan. Un jour, je vous tout surpris. Parler de l'effet que chat m'a fait. Capote avec des plis, pendu à la porte d'un fripier. Chacun pense à sa manière, mais je suis la dette fileux. Je vais mettre fripier, j'espère que je serai bien plus heureux. D'un chemétier, là j'ai aussi ma compère qui l'a quemanché sans un vieux macaron. Acheteur Irvin, les petites fripières, et je vous promets qu'il a parraine des ronds. Pour Lichetten, c'est quoi de riche d'avoir trouvé sa liberté et de s'habiller des meubles et des kmiches et puis des propriétés. Chacun pense à sa manière, mais je suis là d'être fileux. Je vais mettre fripier, j'espère que je serai bien plus heureux. Touche-t-il qu'il a du goût pour le toilette. Chez les fripiers, il manque rien du tout. J'ai quelques faux vues, des graineux, un goguette. Vin de Lansarou pour un indigène dessous. Il retourne note lendemain, bien vite tout le racaté. Chez taux 40 sous, point moins. V'là encore 30 sous de gagné. Chacun pense à sa manière, mais je suis la dette fileux. Jamais de fripier, j'espère que je serai bien plus heureux. Un jour au soir, tout feumant, moi tout bac, j'buvais une pinte d'un cabaret. Là, je l'ai ni vu, qui fait jaune ni curnac. Je ne sais combien, ils ont tort tout partagé. Connais shampoing, le prix tartin. Chien qui coûte ma foi, chez bon. Chien de pince aussi, gramin, à faire voler des coulons. Chacun pense à sa manière, mais je suis la bête fileux. Je vais m'être fliqué, j'espère. Je serais bien plus heureux. Pour en finir de ch'métier sans pareil, je n'en connais point gramin qui ont bourlé. Car d'un fripier, j'position est si bielle qui peut se compter trois quarts d'un ratier. J'ai un métier qui me convient parce qu'ils n'ont point gramin de main. Ils gagnent tout qu'il faut d'argent comme des vrais marchands que va. Chacun passe à sa manière, mais je suis la dette fileux. Je vais me mettre fripier, j'espère que je serai bien plus heureux.